Bonjour Sébastien. Bonjour. Oui, c'est un joli poisson d'avril aujourd'hui. Ah voilà, exactement. On a vraiment voulu faire quelque chose de merveilleux pour le poisson d'avril. On est pas c'est génial. C'est génial. Bio, voilà. Alors, Yandy, je voulais retranscrire un petit peu donc comment tu as commencé dans la musique. À l'âge de 25 ans, il me semble, tu as trouvé un petit peu ta voix au niveau de la musique. Tu as remporté plusieurs prix, c'est par rapport à des concours de chansons que tu as commencé. Je crois, hein, voilà. C'est ça. Et puis après, par la suite, eh bien, tu as voulu un petit peu mettre ça de côté pour faire ta vie de famille, vie de maman, vie de travail, c'est normal. Et tu es venu un petit peu plus tard dans la chanson avec différentes animations de chansons, surtout en discothèque ou anniversaire. Je pense que c'est ce qui t'a formé en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Je me suis lancée un peu dans l'animation, dans les discothèques, dans les restaurants, voilà. D'accord. Et puis c'est comme ça que j'ai repris la musique en fait. D'accord. Voilà. Donc c'était essentiellement des musiques de reprise alors. Oui, c'était des reprises. Là, je suis arrivée à l'écriture il y a seulement 2 ans maintenant. Hein. Voilà, que je suis dans l'écriture. Je travaille avec un musicien, qui s'appelle Monsieur Véritard. Voilà, et puis là, on fait des chansons sur le handicap, notamment. La cause de l'autisme. Voilà, donc on avance gentiment. Demain, c'est la journée de l'autisme, donc ça me fait plaisir d'être à l'antenne aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est pour ça, donc, Julie, en parlant d'autisme, Patrick, je crois que tu as vu quelque chose au niveau de l'autisme. Alors, en deux petits mots, dis-nous un petit peu plus, l'autisme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, Patrick ? Eh bien, écoute, l'autisme, de toute façon, c'est une maladie, hein, il n'y a pas d'autre mot. On va dire que ça peut toucher tout le monde, les enfants à partir de 3-4 ans et au-delà, voilà. Et c'est en fait une maladie assez particulière. L'enfant se trouve un peu, l'enfant, moi je parle de l'enfant parce que bon, j'ai connaissance malheureusement autour de moi d'un enfant de 4 ans qui est dans cette situation. En fait, il n'entend pas, il est dans sa bulle, en fait. Il est dans sa bulle, et à partir du moment où il est dans sa bulle, tout ce qui est autour de lui ne réagit pas de la même manière. Et lui, par exemple, pour se faire entendre, il crie. Voilà, il crie. C'est une manière à lui de s'exprimer. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas autrement par des mots ou quelques mots qu'il connaît comme ça. Mais voilà, et c'est assez pénible. Et demain, donc, c'est la fameuse journée nationale de l'autisme. Et j'espère que beaucoup de gens seront à l'écoute des différents reportages qu'il y aura aussi bien à la télévision qu'à la radio, et qu'on essaiera d'en connaître un peu plus sur cette maladie terrible qu'est l'autisme, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est mal interprété, les gens se trompent beaucoup avec l'autisme, hein. Je pense que les enfants sont fous, alors pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Non, du tout. Voilà, ils sont dans leur bulle. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ils sont dans leur bulle. C'est assez, assez compliqué, en plus on sait que au jour d'aujourd'hui, il y a un enfant sur 100 hein, qui sera autiste, donc c'est énorme. Et je suis content de t'entendre parce que je sais qu'on avait déjà eu l'occasion, je crois, de... Tout à fait, on a discuté ensemble. On a discuté ensemble et j'avais apprécié ô combien une chanson que tu avais fait sur l'autisme, et j'en avais eu honnêtement les larmes aux yeux parce que c'était très beau. Voilà, je voulais encore te féliciter de cette chanson et rappeler que la Journée nationale de l'autisme est là demain et qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il faut être présent, qu'il faut écouter les reportages, qu'il faut être à l'écoute de ceux qui ont cette maladie. Alors, il faut savoir qu'il y a près de 80%, je crois, d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et qu'il n'y a que 20% d'enfants qui sont scolarisés parce qu'ils ont la chance d'avoir une AVS, une assistante de vie scolaire, dans leur classe. Voilà, et heureusement qu'il y a ces assistants de vie scolaire qui font que l'enfant ne se trouve pas seul, isolé. Voilà. Mais c'est un énorme travail de la part de ces personnes qui sont à l'écoute de ces enfants. Moi, je peux citer donc le cas de l'enfant que je connais, qui a 4 ans, qui est en école maternelle et qui a la chance d'avoir une AVS avec lui. Mais pour rien vous cacher, ben voilà, voyez, je vais vous dire, on a été lui acheter une tente d'Indien, parce que ce garçon se réfugie sous sa tente quand il a ses soucis de santé, voilà, et il ne veut pas montrer ce qu'il a. Il se cache dans son monde à lui, dans sa bulle. Voilà, sa bulle, c'est sa tante, voilà, qu'on lui a acheté à l'école, et voilà. Et, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples précis sur, malheureusement, ce genre de maladie, mais je sais que ça touche, que les parents sont également des gens extraordinaires, parce que être avec leurs enfants atteints d'autisme, moi, je tire mon chapeau, parce que c'est étonnant aussi, il faut vraiment s'accrocher. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'autisme, on avait pas la dernière fois, on avait parlé du chanson aussi de Linda Lemay, hein, qui est merveilleuse par rapport à... Linda Lemay, oui, qui avait fait une très belle chanson là-dessus. Yandy, tu t'impliques dans d'autres petits projets, entre autres tu avais créé une chanson pour le Téléthon, on en avait parlé. Oui, on se souvient, voilà. Ah ben moi c'est une... Ouais, moi aussi je me souviens, franchement, tu avais marqué de ton passage sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Cette chanson pour le Téléthon, 2-3 ans à peu près, tu l'avais fait Oui, je l'ai écrit en 2015. Donc, tous les ans au Téléthon. Là, cette année, j'ai fait un gros concert dans une église, là, sur Marseille, avec François Corbier, qui était la tête d'affiche. Et oui, voilà. Et notre ami François Corbier. Cette chanson est toujours l'hymne pour nous aussi de notre Téléthon tous les ans. Donc, le 9 avril, je vais donner un petit concert pour une association qui s'appelle MyVandy. Donc cette association s'occupe de toutes les personnes atteintes de handicaps divers et variés, de les insérer dans la société, d'aider les parents, d'aider les familles. Donc voilà, je fais du bénévolat et je donne un concert pour cette association le 9 avril à Auriol. Donc je suis ravie vraiment de pouvoir faire ça. Et nous sommes ravis pour toi. Et c'est vrai, comme état de vie, tu dis toujours, il n'est jamais trop tard pour faire ce que l'on aime et donner un peu de réconfort par la musique à ce monde compliqué. Exactement. C'est exactement ça. Donc ce concert, en plus, il est ouvert à toutes les personnes malentendantes, puisque nous avons des traductions en langue des signes. Nous avons aussi fait tout un système de projection pour que les gens puissent suivre les paroles sur un support. Nous avons créé des chorégraphies. J'ai une petite fille qui va venir danser. D'ailleurs, son petit frère est autiste. Voilà, qui va venir danser. Enfin bref, c'est un beau projet. D'accord. Bravo. Et donc ça, rappelle-nous la date, s'il y a des renseignements. Ça, c'est le 9 avril à Auriol. Vous pouvez réserver sur l'association MyVandy sur Internet. MAVE/Andy. Voilà, donc vous pouvez réserver par ce biais-là ou par le biais de l'association, la mienne, qui s'appelle Musique en Partage. Voilà, et vous avez tous les renseignements dessus. Et puis, je voulais aussi remercier toute l'équipe Fil Rouge, BMG Prod, puisqu'ils sont derrière moi, Pascal Diard, Martial Benamou, voilà, tout le monde est derrière moi, donc je voulais les remercier parce que, voilà, ils m'aident. Bravo. Un grand merci à Pascal et à Martial. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité en ce moment? Alors, mon actualité, en fait, moi, j'ai un site internet, www.musiqueenpartage.com. Musique en partage, alors, il y a le E de musique, c'est le E de en.com. Et là-dessus, vous avez toute l'actualité de mon groupe, de moi en tant qu'artiste seule, les prochains concerts, tout ce qui a été fait, tout ce qui sera fait bientôt. Alors, d'accord, puisque le groupe, on ne l'a pas dit, c'est Yann et Gilles. Voilà, le groupe c'est Yann Gilles. Voilà, en fait, on dit Yann B, mais on est toujours deux parce que Gilbert Berissard est le musicien, il me compose toutes mes musiques. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Je tenais à le signaler. Et puis en plus, la chanson Le Silence, elle a été créée pour Léo de l'association Ted et Compagnie. Donc Julie Nicolas, sa maman, elle tresse des petits bracelets bleus. Vous pouvez retrouver Julie sur Internet. Pour commander les petits bracelets bleus, c'est pour soutenir l'autisme. Et puis, elle a été faite aussi pour le petit-fils de Gilbert Berissard, qui qui existe également. Excuse-moi, Jenby, est-ce que les petits bracelets bleus, on les trouve partout? Comment Alors, les petits bracelets bleus, vous pouvez les commander via Internet, en fait. D'accord. Vous en avez maintenant qui se promènent partout, puisque Renault les a autour du poignet, hein, et toute l'équipe de Renault et son petit protégé qui fait la première partie, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom m'échappe ce matin, les a aussi. D'accord. Donc, vous pouvez les commander via la page Internet de Julie Nicolas. Julie Nicolas, alors, ok. Voilà, et elle les tresse à la main, voilà, il y a plein de photos. Elle les tresse à la main et vous pouvez les commander via sa page Facebook. Elle a un compte PayPal, voilà. Et elle vous envoie directement chez vous. C'est génial, c'est un peu comme le site d'Action avec le petit sigle de site d'Action. Exactement, donc, voilà. en beaucoup plus petit. Julie Bataille, je la soutiens de tout mon cœur. Oui. Elle se bat pour son fils qui bravo. A réussi à réaliser ses rêves. Donc voilà, je la soutiens vraiment de tout mon cœur. C'est bien. Alors, pour donner le nom quand même de l'artiste qui fait la première partie de Renaud, c'est Gauvin Serre. Voilà, c'est ça, c'est Gauvin. Excusez-moi, j'avais complètement... Gauvin, qui est un jeune artiste très talentueux, effectivement. Mais on a Émilie avec nous, tu sais, elle est formidable. Alors, alors moi, j'ai trop de mémoire. Je tiens à remercier aussi, derrière, il y a Florent qui m'envoie un petit mot. Oui, Florent, je suis à l'extérieur. Il demande, alors c'est en direct, hein, nous on le dit, voilà, on est à l'extérieur aujourd'hui. Oui. Yandy, elle est au soleil de Marseille, hein, ça fait du bien. Et Seb, il est au soleil du Loir-et-Cher. Voilà, ouais, bon, aujourd'hui c'est gris, hein. C'est très voilà. Gris aujourd'hui. Hein. Non, sur Radio Arc-en-Ciel, si vous restez avec nous, c'est toujours bleu, soleil. C'est toujours bleu, c'est constant. C'est un arc-en-ciel, hein, c'est continue. C'est un micro-climat hein. Ici. Voilà, donc pour le poisson d'avril, on a décidé de se balader. Mmh. Donc moi, je tenais à remercier Yandy, parce que c'est vrai que quand on le dit, c'est des chansons à texte, avec une phrase franche, simple, hein, ça, il faut vraiment le dire. Et moi, je sais que les chansons, quand on les écoute, on les oublie pas. C'est vraiment des chansons des temps modernes et elles parlent de, comme tu l'as dit, la maladie, la misère, les injustices. Donc, un grand merci à toi, Yandy, donc pour tout ce que tu fais. Yandy, est-ce que tu peux nous rappeler ta chanson ? Le 9 ouais. Et le groupe Yann et Gilles. Voilà. Tu nous rappelles ta chanson sur l'autisme, s'il te plaît ? Oui, le silence. Titre. Hein. Le silence. Le quoi ? Le silence. Le silence. Hein. D'accord. Si ça devrait être connaître, ça, le silence, normalement, je crois. Oui. Ah ben, tu es toujours là pour me mettre en boîte. J'ai une dernière question subsidiaire. Yann, le B, pourquoi ? Parce que c'est le... Mon nom, c'est Bienfait. Voilà. Voilà. Yann Bienfait. Je savais, hein, mais je voulais l'entendre parce que c'est quand même... voilà. C'est pas anodin comme nom. Bienfait. Voilà. Bien. Eh ben, tu fais du bienfait autour de toi. Voilà, exactement. C'était pour boucler la boucle et conclure là-dessus. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à vous tous. À bientôt. Merci Sébastien. On se retrouve dans un instant pour... interviewer une autre artiste que l'on aura également au téléphone, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, à bientôt. Alors allez, à tout à l'heure et à puis bientôt. À très vite, Yann B. Et bon soleil à vous tous. Merci, à bientôt.